Donc 1 Corinthiens, et je mets, avant de commencer, j'ai fait faire des exemplaires de la semaine passée pour ceux qui n'étaient pas là. C'est gratos. Vous pouvez la prendre, l'écouter et le ramener c'est quand elle aura fini. J'aimerais ça que vous, ceux qui étaient pas là, que vous puissiez l'écouter parce que ça va influencer tout le restant de l'Épître aux Corinthiens. Si vous ne comprenez pas bien les 8-10 premiers versets, vous allez probablement mal comprendre ce que Paul est en train de faire avec l'Église. Hein. Parce qu'avant de reprendre l'Église, avant de corriger l'Église dans un paquet d'affaires, il a commencé par leur dire des vérités qui étaient essentielles. Parce que si on ne fait pas ça, on détruit les gens. Si on ne fait pas ce que Paul a fait dans les premiers 10 versets, on devient légaliste. On devient légaliste. On met des lois, on met des règles. Donc, je vous encourage à le prendre, à l'écouter chez vous et de le ramener la semaine prochaine, peut-être pour que d'autres puissent s'en servir. Donc, venez vous en chercher après la réunion si vous voulez l'écouter. Ce qu'on va regarder ce matin, c'est quelque chose qui est très difficile, je dirais même impossible, à observer dans la société. C'est quelque chose qui n'est pas présent, qui n'est pas à la mode dans notre monde dans lequel nous vivons. C'est plutôt le contraire qu'on entend tous les jours, qu'on entend des nouvelles, qu'on entend nos gouvernements, qu'on entend les gens parler. Et on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes en tant que race humaine. Donc, dans notre folie du péché, on va dans l'autre sens. On va dans l'autre sens. Parce qu'on n'est pas capable d'avouer en tant qu'être humain qu'on n'est pas capable, donc on se justifie en disant le contraire. Et ce qu'on va parler ensemble, c'est de l'unité. Il n'y en a pas d'unité dans le monde dans lequel nous vivons. On essaie, depuis des millénaires, d'unifier les villes, les pays, les différentes places. J'écoutais quelque chose au gouvernement qui était pour investir des milliards de plus dans l'armée canadienne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité dans le monde. On a peur de notre voisin. On a peur. Je ne dis pas avec raison. Oui, on a même avec raison. Mais lui, l'autre bord, il a peur de nous. Puis nous, on a peur de lui. Fait que c'est réciproque. Et à cause qu'il n'y a pas d'unité dans le monde, pas d'harmonie, mais on dépense des milliards par année à travers le monde. J'avais écouté une émission une fois qui disait que si on prenait l'argent qui était investi dans les armées du monde, on pourrait nourrir la planète 10 fois. On pourrait éliminer toute la pauvreté du monde. Et ça, c'est une manifestation de notre peur, de nos concitoyens, de nos gens autour de nous. Vous pensez que vous n'êtes pas comme ça? Nous sommes comme ça. Je débarque de mon vélo l'été, je rentre dans un magasin pour 5 minutes, je mets une chaîne alentour. Ça veut dire quoi, ça? J'ai peur que quelqu'un passe et parte avec. C'est tout ce que ça veut dire. Je ne trosse pas mes concitoyens. Les autres font la même chose avec moi. Hein? Ils font la même chose avec moi. Vous entendez ça des fois dans les parkings. Les gens sortent de leur auto, ils font 7 pipi. Pout, pout! Juste d'être bien certain que c'est barré. Parce que, encore, quelqu'un passe, pour prendre mon sac, c'est chez en arrière. Il était passé, mon gars a eu le malheur de ne pas barrer. Il est revenu, il n'avait plus rien dans le char. C'est la folie de l'être humain qui est comme ça. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas. C'est plus fort que nous. Et l'apôtre Paul, il va parler de cela dans les 4 premiers chapitres, les 3 ou 4 premiers chapitres de son épître. Parce que dans l'église de Corinthe, c'est la bagarre. Il y a de la division dans l'église. Cette semaine, il y a 3 personnes qui m'ont appelé d'une autre église. Et c'est l'enfer, si je peux appeler l'expression québécoise, dans l'église. L'église chrétienne. Ils sont en train de se chicaner au point de tout détruire l'église. Tout le monde s'astine dans l'église. Tout le monde s'en veut dans l'église. Tout le monde parle contre les autres dans l'église. C'est la division, c'est la débandade. Ils ne savent pas quoi faire avec. Je pense peut-être que ça va s'éteindre là, dans l'église. Parce qu'ils n'ont pas le moyen d'en perdre, parce que c'est juste une petite église. Dans les grosses églises, il peut en partir 30, ça ne paraît pas trop. Et quand tu es 20, puis en part 20, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et vous savez, c'est drôle, hein? on pensait qu'on dirait, ça devrait être mieux dans l'Église. Mais même dans l'Église, c'est très difficile d'avoir l'unité. C'est difficile de... Puis moi, ce qu'on va parler ce matin, en plus, c'est qu'on n'a même pas besoin de la créer, l'unité, nous. On a juste à la conserver. Mais on n'est même pas capable à 100% de la conserver. Mais on n'a même pas besoin de la créer comme telle. Parce qu'on va voir, c'est quelqu'un d'autre qui l'a créée pour nous. Christ a créé l'unité du corps de Christ à 100%, à la perfection. Puis tout ce qu'il nous demande de faire, c'est juste de la vivre, cette unité-là, que lui a créée. Et encore là, c'est pas évident, c'est pas facile. Pour personne d'entre nous. Pas facile pour personne d'entre nous. Si vous pensez que c'est facile pour vous, vous êtes probablement un sujet de division. Si on ne sait pas qu'on est un sujet de division, probablement qu'on fait des divisions. Mais quand on sait qu'on peut être un sujet de division, on est plus sous nos gardes de ne pas créer la division. Et quand ces gens-là m'ont parlé cette semaine, c'est deux ou trois personnes-là qui m'ont appelé, c'était même difficile pour moi de ne pas gérer de la division. Juste en parlant, mais tu as tendance à vouloir prendre un parti ou à parler ou à écouter. Et là, tu as de la misère à rester neutre et de ne pas créer de division parce que tu es pogné dedans émotionnellement. Et tu te bats de tout ton être pour juste te garder de briser quelque chose dans tes paroles parce que c'est notre nature humaine de briser l'unité. Il ne faut pas s'en faire. Il y avait une unité parfaite dans le paradis. Et c'est qui l'a brisée? C'est nous autres. Il y avait une unité parfaite entre Dieu et l'être humain. Et dans notre folie, on l'a brisé. On l'a brisé. Il y a une division entre l'homme et Dieu. Et Dieu est venu pour réparer la division qu'on avait faite. Parce que ce n'est pas nous autres qui l'aurait réparé certain, en tant qu'être humain. Lui est venu à réparer cette division-là. La Bible nous dit que dans le Nouveau Testament, qu'il y a une tête dans l'Église. Hein? Il y a une tête. Et ce n'est pas la mienne. C'est pas toi non plus, James. C'est pas la mienne. Non, c'est pas toi, James. Il y a juste une tête. C'est qui? C'est Christ. Dans toute l'Église universelle, de tous les temps, il y a juste une tête. C'est Jésus-Christ. Jésus est la tête du corps de l'Église présente sur la terre maintenant et qui est présente au ciel aussi, hein, en même temps. Il est la tête de tout le peuple de Dieu. Soit mort ou soit vivant. Et ce n'est pas la tête. Une fois, j'étais dans une église à Victoriaville, il y avait un homme qui souffrait de sclérose en plaques. Et il y a une difficulté avec le système nerveux. Hein? Il y avait une petite marche. Ah, un demi-pouce! Et moi, j'étais juste en avant. Je le vois s'en venir. Il a de la misère à marcher. Et il s'enfarge dans le demi-pouce. Puis il plante, mon gars, à pleine face au ciment. Je me reviens, je le regarde, je dis, tu n'avais pas vu la marche? Je dis, je l'ai vu, mais ma tête n'était pas capable de dire à mon pied de se lever. Il semble que je lui disais, il y a un désaccord entre la tête et le pied, et il n'a pas été capable, il s'est enfargé dans le plan. Dans le corps de Christ, ceci n'existe pas. Il n'y a pas de dysfonction entre la tête et le corps. La relation, elle est parfaite. Elle est parfaite. Il n'y a pas d'obstacle entre la tête et le pied. Parce que Jésus-Christ a fait cette relation-là, a bâti ce corps-là, et il l'a uni à la perfection. Il n'y a aucun obstacle entre ce que Dieu veut dire à la main. Il lui dit, il lui dit parfaitement. Et il dit dans l'Épître aux Corinthiens, on va le voir plus loin, et dans Jean 17, il dit, il prie lui-même avant de mourir. Il dit, Père, je prie qu'ils soient tous un. Un, ça, c'est pas deux. Ils sont un. Je prie qu'ils soient tous un. Tous les chrétiens, parce que lui, il était le début de l'Église. Donc, si l'Église a avoir les 2000, 3000 ans, 5000 ans, je ne sais pas comment Dieu va prendre de temps à revenir, mais il dit, tous ceux qui s'en viennent, je prie qu'ils soient un. Est-ce que Dieu a répondu à la prière de Jésus? Oui ou non? C'est oui! C'est oui! Jésus a dit, tu réponds toujours à mes prières. Donc, automatiquement, la prière de Jésus a été répondue. Nous formons une unité. Nous sommes un. Un avec le Père, un avec le Fils. Puis il dit, l'unité, elle est égale à l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils. Il dit, comme toi et moi, nous sommes un, je veux que eux autres soient un avec nous et un entre eux, ils soient un. Et Jésus, le Père a répondu à la prière complètement. Il a formé un tout avec le corps de Christ. Il y a une unité parfaite entre le Père, le Fils et le corps de Christ qui est nous. Il faut croire ça par la foi. Parce qu'on ne le voit pas toujours, mais il faut croire ça par la foi, que c'est là. Il y a une unité parfaite. Et l'exemple qu'on donne dans la Bible souvent, c'est un corps, hein, un corps. Moi, je ne suis pas deux corps, j'ai juste un corps. Et tous les membres du corps forment seulement qu'un corps. Il n'y a pas de deux corps, il n'y a pas de place à avoir deux corps, il y a juste un corps. Quand la main commence à donner des claques dans la face, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part. Ce n'est pas naturel. Hein? Ce n'est pas naturel. J'ai une petite fille à la maison, elle s'appelle Audrey. Et c'est drôle à voir. Elle se regarde les mains, là, puis d'un coup, elle veut mettre la suce, puis ça passe au côté. Puis là, ça passe. Puis là, elle essaie de pogner l'affaire, puis ça marche pas tout le temps. Le jour où je la voyais, elle était assise comme ça, puis elle faisait ça. Puis là, elle avait l'air quasiment à peur de cette bébite-là. C'est quoi cette affaire-là? Puis ça va prendre encore peut-être une couple de semaines, une couple de mois, puis elle va être correcte. Mais elle laisse sa suce, des fois, on lui met dans la main. Elle n'arrive pas. Des fois, elle la met là, puis elle n'allonge pas. Tu sais, ça fait ça. Là, mon ami, là, c'est là. Il y a une dysfonction un petit peu là, parce que c'est un petit peu un manque de pratique. Un petit peu un manque de pratique. Mais c'est juste une question de temps. Si ça reste de même, rendu à 6 ans, on va voir des médecins, ça va aller vite à prendre ça, parce qu'on sait que c'est pas normal. Normal, c'est que, mais qu'elle ait une certaine coordination, on va les mettre dans sa bouche, tout va fonctionner comme il faut. Et dans l'Église, Dieu a créé une unité parfaite dans le corps de Christ. Et on devrait être surpris de voir des dysfonctions, de voir des divisions. Ça l'arrive, ça va arriver tout le temps. Mais ça ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas être là, mais ça va arriver. Jusqu'à temps qu'on meurt, il va y avoir des divisions dans l'Église. Il va en avoir. Depuis que l'Église est Église, depuis 2000 ans, ça a toujours eu des divisions. Et là, souvent, l'Église s'est multipliée dans le monde à cause des divisions. Dieu, dans sa grâce, a utilisé notre folie. Il n'y a pas d'autre Église ailleurs avec ça. Souvenant, hein? J'ai vu ça, des Églises se diviser parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu, puis vous ne faites pas la volonté de Dieu, ils s'en vont chacun sur le bord, puis Dieu les utilise toutes les deux, puis fait d'autres églises avec. Les gens sont sauvés dans ces églises-là pareil, puis ça marche pareil. Bizarre, hein? Comment il est capable de faire ça dans sa grâce? Parce que ça dépendait juste de nous autres. Ça serait un petit peu difficile, là. Un petit peu difficile. Et ce que Paul va parler avec les gens, il va essayer, dans les trois chapitres qui sont là, d'aider les chrétiens à vivre l'unité que Dieu a créée. Il ne leur demande pas de créer l'unité, il ne leur demande pas de faire l'unité, parce qu'on en est incapable, mais de vivre l'unité que Dieu a créée, de jouir de l'unité que lui a faite. Il ne peut pas nous demander de la créer. Il ne peut pas. On n'est pas capable. On n'est pas capable. Mais est-ce qu'on peut en jouir? Parce que rien de... Ceux qui m'ont côtoyé depuis 2 semaines, j'ai parlé à peu près 10 fois, peut-être plus, des Olympiques. Je suis émerveillé de la capacité d'un athlète de voir la coordination qu'il peut avoir dans le corps humain. Moi, je ne suis pas capable... Je les regarde faire, là, ça s'en va à 100 000 à l'heure, mon gars, puis ils sont capables d'enligner les poteaux, comme ça, là, à 120 000 à l'heure, 120 km/h, descendant une côte. Moi, je ne verrai pas venir. La coordination entre la tête et le corps, ils peuvent s'en aller à 130 km/h, puis descendre une côte à pleine vitesse, puis passer entre les poteaux, arriver en bas dans 1 minute et 3 quarts. La capacité du corps, ils en jouissent du corps. Il y en a un qui est triste de voir un corps couché sur une table et qui n'est pas capable de fonctionner. Ça, c'est triste parce que normalement, il devrait fonctionner. Et l'Église, si elle pouvait fonctionner avec l'unité que Dieu lui a donnée, ça serait la plus belle machine du monde. C'est la plus belle. On dit que le corps humain est la plus belle création de Dieu. Il l'a fait le sixième jour, il l'a mis assis sur le gâteau. C'est sa plus belle création. Moi, je suis prêt à dire que l'Église est encore une plus belle création. C'est aussi parfait, l'Église, que le corps humain sans péché. Dieu a créé un organisme, un corps spirituel parfait, et il dit, jouissez-en. Vous ne pouvez pas le faire, mais tirez-en tous les profits que vous pouvez en tirer. Louez-moi, adorez-moi pour ce que j'ai fait entre vous autres, que j'ai fait avec vous autres. Nous, ce qu'on essaie des fois, c'est de créer l'unité. Et là, on s'en arrache les cheveux de sa tête, on n'est pas capable. Ce que le Seigneur nous demande, c'est juste briser le pot et jouissez-en de ce que j'ai fait. Tirez profit de ce que j'ai fait pour vous autres. Et Paul, dans les premiers chapitres, va juste leur dire, essayer de leur donner quelques principes de base pour les aider à jouir de l'unité, à profiter du corps de Christ. Tout au long, il va nous le dire jusqu'à la fin. Le corps, tous les dons, c'est un exemple, tous les dons vous ont été donnés pour l'utilité, mais c'est l'édification de l'Église. Il dit, édifiez-vous, encouragez-vous, fortifiez-vous, jouissez les uns des autres, vous êtes un corps. Malheureusement, des fois on se comporte un peu comme Corinthe, et c'est la galère. C'est la galère. Je crois que ce n'est pas différent à Mont-Tremblant. On est comme ça aussi. C'est la galère, des fois. Et ce n'est pas toujours l'unité. Hein? Dans nos paroles, dans nos actions, ce n'est pas toujours l'unité. Des fois, on ne s'occupe pas d'un, comme on devrait s'occuper de notre main droite, mais de notre main gauche, parce qu'on ne le fait pas. C'est comme ça, c'est juste une manifestation de la folie du péché qui est en nous. Et il y en a un qui avait dit, quand tu donnes un coup de pied avec la jambe droite à ta jambe gauche, bien, tu te fais du mal. Et nous autres, les uns et les autres, on est reliés ensemble par le corps, à cause qu'on est corps du Christ. Quand on fait mal à un, on se fait du mal à soi-même. On se nuit. On se nuit. On ne peut pas faire autrement. Parce qu'on fait partie d'un corps. Sans qu'on s'en rende compte, on se fait du mal. Et on nuit au restant, puis on a moins de jouissance du corps de Christ. Et on va voir ensemble que l'Église de Corinthe avait des divisions au niveau de leur leadership. C'est ce qu'on va voir ce matin. Trois chapitres, on va en parler. Quasiment en quatre. Il y avait une grosse division au niveau des dons spirituels. C'était la bagarre. Ce qui avait été donné pour l'édifier est devenu un sujet de division et de querelle et d'engueulade, puis d'orgueil. Moi, je suis plus spirituel, moi, c'est moins spirituel, toi, tu n'es pas correct, moi, je suis correct. Et ça commençait à faire l'enfer, je peux dire ainsi. Il y a eu des divisions en les couples, les femmes qui rejetaient l'autorité dans les couples, elles ont enlevé le voile, on va voir ça ensemble, ils ont enlevé le voile, puis nous autres, il n'y a plus personne qui va avoir autorité sur nous autres. Et c'était la bagarre dans l'Église à cause de ça, encore une fois. Le repas du Seigneur était devenu un sujet de division. Hein? Il a dit, il y en a qui crevent de faim, puis il y en a d'autres qui sont empiffrés. Il dit, vous arrivez au repas du Seigneur et vous sortez de vos réunions pire que vous êtes rentrés. Hey, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ils rentraient à l'église pour faire une réunion d'adoration autour du repas du Seigneur. Et quand ils sortaient de l'église, ils étaient en pire position que quand ils étaient rentrés. Et Paul tentait de leur dire, quasiment carrément, restez donc chez vous, ça va être bien plus facile. Restez chez vous. On dit, ah, mais ça se peut que je m'en passe. C'était ça qui arrivait. Les personnes qui m'ont parlé cette semaine de leur église et de cette réunion, ils ont eu une réunion la semaine passée, le 2 dimanche, et je vous dis que c'est ça qui est arrivé. Ils sont sortis de la réunion, pire que tu es rentré. Pire que tu es rentré. Donc, c'est pas juste les Corinthiens qui sont comme ça. Ça se vit partout, dans nos églises, dans nos familles, ça se vit partout. Et on va voir aussi les divisions au niveau de la doctrine. Il y en a qui croyaient à la résurrection, il y en a qui ne croyaient plus à la résurrection, et c'était le bordel, ça aussi. Donc, il y en avait-tu des divisions? Il y en avait. Mais ce qui est intéressant, c'est comment Paul va dealer avec ça. Ce que Paul va faire avec cette église-là pour l'aider à passer à travers toutes ces divisions-là et de jouir de l'unité. Et que, si Dieu permet qu'on étudie la deuxième épître aux Corinthiens, on va voir tout ce qui a été fait par la première épître et comment maintenant, dans la deuxième épître, ils jouissent plus les uns des autres. Comment ils vont glorifier le Seigneur pour tout ce que le Seigneur leur a donné dans ce sens-là. Donc, ce que nous allons voir ensemble, il faut, en tant qu'Église, manifester l'unité qui a été créée par Dieu en Jésus-Christ. Il ne faut pas la créer, il faut la manifester. Il faut que les gens voient que nous sommes unis à la tête et les uns aux autres. Il faut manifester ça, il faut juste refléter ça entre nous et dans la société. Les gens puissent voir, oh, ils sont unis les uns aux autres. Ils fonctionnent les uns avec les autres. Ils sont tous unis à la même tête. Peu importe le nom qu'on a, baptiste, ou Paul Coutus, ou frère chrétien, ou mennonite, tous les évangéliques ont toutes la même tête. Il n'y a pas juste les baptistes, ils ont une tête. C'est, toutes les églises ont la même tête. Donc, il faut faire attention à comment on parle des autres églises, parce qu'ils font partie du corps de Christ avec nous. Il n'y a pas deux corps de Christ. Un corps de Christ pour les baptistes, un corps de Christ pour les pentecôtistes, un corps de Christ pour les mennonites. Non, non, ça va tout ensemble, cette affaire-là. Il y a un corps de Christ sur toute la terre. Et sans qu'on s'en rende compte, quand on fait du mal à d'autres, c'est au corps de Christ qu'on fait du mal et ça nous affecte, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas. Tu sais, je parlais à Denis, je disais, ce qui arrive à nos enfants, même s'ils sont partis de la maison, quand ça ne tourne pas rond dans leur vie, ça nous affecte, nous. Ça nous affecte, nous. Même s'ils ne sont plus là, ça nous affecte quand même, quand ça ne marche pas dans leur vie. Et c'est la même chose dans l'Église. Première chose, chapitre 1, on est au verset 10. On va lire du verset 10 jusqu'au verset 16, si vous voulez bien. Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et un même point, et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Donc ça, c'est l'encouragement qu'il veut leur donner. J'aimerais que vous soyez parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Avoir un même langage. Car, mes frères, au verset 11, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Donc, il y avait au moins quatre divisions, quatre groupes dans l'Église. L'Église de Corinthe, je ne sais pas comment ce qui était de membre, comment il y avait de personnes qui étaient là, mais il y avait au moins quatre groupes. Et ces quatre groupes-là se regardent plus ou moins correctement, se rejettent ou se séparent les uns des autres en disant, moi, c'est Paul qui est mon mentor, si on emploie un terme de 2005, 2006, c'est Paul mon leader, c'est Paul mon pasteur. Et l'autre dit, moi, c'est Apollos. Vous vous souvenez qu'Apollos, ceux qui ont avec moi dans les Actes des Apôtres le mercredi, on a vu qu'Apollos est allé à Corinthe à un moment donné et a été une grande utilité dans l'église de Corinthe. Et donc, puis Apollos était un grand prédicateur. Donc, Paul n'était plus là, donc ils se sont tournés vers Apollos et disent, Apollos, c'est notre mentor, c'est notre leader, nous autres, c'est notre modèle. D'autres ont dit, oh non, nous c'est Céphas. Céphas, c'est Pierre. Il faut croire que Pierre est allé à Corinthe. Parce qu'on dit c'est Pierre. Ou à moins que c'est des gens qui avaient déménagé à Corinthe, puis c'était Pierre qui avait tous les mentors avant. Ça pourrait être aussi comme ça. Et il y en a d'autres, les plus spirituels, les SS, les super spirituels. Les autres, ils disaient, moi, je ne suis pas les hommes, c'est Christ, mon mentor. C'est Christ, mon maître. C'est Christ, mon Seigneur. C'est Christ, mon modèle. Et ils pensaient qu'il était bien mieux, mais Paul ne leur donnera pas plus raison, vous savez, à ceux-là qu'aux autres. Parce qu'en faisant ça, ils se séparaient aussi des autres chrétiens. Donc, c'est la division dans l'Église en comparant les différents leaderships en comparant les leaders entre eux autres, en comparant les leaders ici aujourd'hui, comme moi, et avec d'autres leaders dans d'autres églises que vous avez déjà connues, et là, on fait des divisions, on fait des querelles, on compare. Lui est meilleur, lui est moins bon, lui est plus, lui est moins. Et là, on compare. Et je crois qu'on fait une erreur en comparant. Parce que nous sommes tous uniques, donc on ne peut pas comparer vraiment. On ne peut pas être les uns comme les autres. Souvent, ce que vous allez faire, vous allez prendre position pour ceux qui vous appuient, ceux qui disent comme vous. Ah, lui a raison. Pourquoi? Parce qu'il dit comme moi. C'est ça qu'on fait d'habitude. Hein? J'ai déjà jeté des livres à la poubelle, moi, parce qu'il ne disait pas comme moi. Donc, hein? Il ne dit pas comme moi, c'est pas un bon. Et là, Paul va essayer de les encourager à ne pas former quatre. C'est pas mal en soi que je préfère une sorte d'enseignement qu'une autre sorte d'enseignement. Le mal, c'est de se comparer et se diviser à cause de ça. Si j'aime, moi, telle forme d'enseignement, c'est correct. Une autre forme d'enseignement, c'est correct. Mais c'est quand on commence à dire, moi, je suis meilleur parce que je fais ça, puis toi, tu ne fais pas ça. Là, c'est un problème. Ça, c'est à cause des divisions. Aimer plus un style qu'un autre de musique ou de leader, c'est pas mal en soi. On n'achète pas tout le même style de maison. On ne marie pas tout le même style de conjoint. Mais c'est pas mal en soi. Ça devient mal quand on pense qu'on est mieux que les autres en faisant ça. Et là, Paul va dire, hein, première chose que c'est, rappelez-vous, première chose qu'on doit se rappeler quand il y a des divisions, c'est en se rappelant que nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ. Il dit, rappelez-vous cela. Vous êtes en train de regarder mes notes, hein? quand je vous vois que vous ne me regardez plus, je sais que vous regardez mes notes. J'essaie de me devancer. Pas correct. J'aurais dû le voir, puis j'essaie de pisser sur mon piton, ça avançait plus, fait que je n'étais pas sur la bonne affaire. Hein? Non. Je peux pas. Voyez, ma sœur, elle est là, puis on va lire nos notes. En se rappelant que nous avons tous été baptisés en Jésus. Il dit au verset 13, « Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce en son nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, à ce que je cherche, je n'ai baptisé personne d'autre. » Vous, comment Paul était prudent? Il dit, « Je me suis gardé de baptiser les gens. Juste quelques-uns quand j'étais pogné. Parce que je ne voulais pas que vous disiez que vous étiez des disciples de Paul. » Il dit, « Vous n'êtes pas été baptisé au nom de Paul. » Il dit, « Avez-vous été baptisé au nom de d'Apollos? Avez-vous été baptisé au nom de Céphas? » Il dit, « Avez-vous tous été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ? » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être baptisé au nom de Jésus? On ne se fait pas baptiser au nom de quelqu'un. On ne se fait pas baptiser au nom d'une église. On se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi, ça? Le mot « baptiser » veut dire quoi? Immerger dans quelque chose. Hein? Dans quelque chose. Ici, on était immergé dans une personne, qui est la personne de Jésus-Christ. Il dit, tous, en autant que vous êtes, vous avez été unis par le baptême à une personne. Tout le monde à la même personne. Pas moi, admettons, à Lucie, et Lucie à Denise, et Denise. Non, c'est François à Jésus, Lucie à Jésus, Denise à Jésus, tout le monde à Jésus, pas un aux autres. Mais on est unis par le fait qu'on est tous attachés à la même personne, pas aux uns aux autres. On a tous chacun notre propre paire de menottes attachées à Jésus-Christ. Je n'ai pas moi une paire de menottes, et tous vous autres, vous êtes à la... Tu sais, vous comprenez, on ne fait pas une ligne de téléphone, là. Parce que malheur, celui qui est au 100 millième au bout, là, il n'y a plus d'union partout avec Jésus, lui, là. S'il faut qu'il passe entre... S'il faut que vous passiez même juste entre... S'il y a juste un être humain entre vous et Jésus, vous êtes fait à l'os. La Bible nous dit, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et Jésus-Christ, puis entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas, c'était Jésus. Donc, vous êtes tous individuellement unis à Jésus. Parce que vous avez été baptisés, l'apôtre Paul dit ça dans Romains 6, vous êtes devenus une même plante avec Jésus. Nous formons tous, chacun de nous individuellement, une plante nouvelle avec Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus privilégié que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus attaché que l'autre. Nous avons tous été unis à la même personne. Je me souviendrai toujours d'un vieux pasteur qui s'appelait John Gazdick. Je suis allé le voir une fois dans un cours, il était à Montréal. Il dit François. Là, il dit, je voyais bien ce qui s'en venait. On se tape ça, ouais, une petite claque, là. Il dit, tu penses-tu que tu es plus proche que les autres du Seigneur? Tu penses-tu que tu es privilégié? Pas en tout. Tout le monde dans l'Église est attaché au Seigneur jusqu'à autant comme toi. Tout le monde a le Saint-Esprit prêt comme toi. Tu n'as pas plus que les autres, tu n'as pas moins que les autres, mais tu n'as pas plus que les autres. Souviens-toi de ça, tu n'as pas plus que les autres. Puis là, quelqu'un me le dit, tu me le répètes souvent. Parce que dans ma tendance humaine, si je pensais que je n'avais plus que les autres. On pense toujours qu'on est mieux que les autres. On pense toujours. C'est notre grande lutte. Moi, je dis tout le temps, si je pense que je suis meilleur que le Seigneur, imagine-toi donc que je pense que je suis meilleur que toi. Parce que vous, quand je prends des décisions contre le Seigneur, je suis en train de dire que je pense que je suis meilleur. Le Seigneur dit, François, tourne à gauche. Non, je vais tourner à droite. C'est ce qu'on appelle le péché. Hein? Le Seigneur dit, tourne à gauche. Non, je vais tourner à droite. Parce que je pense que c'est mieux de tourner à droite. Je pense que je suis mieux. Je prends la meilleure décision que le Seigneur. Notre baptême nous a unis à une personne. Et il y a une unité parfaite, là. Et la Bible nous enseigne qu'il n'y a rien qui vient entre Jésus et nous. Hein? Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien qui va être entre nous et Jésus. La relation entre Jésus et moi, elle est parfaite tous les jours, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et pour l'éternité, ma relation avec lui, elle est parfaite. Elle ne peut jamais être brouillée. Parce que qu'est-ce qui brouille une relation? C'est celle du péché. Et le péché, il a été enlevé, effacé. Mettez tous les synonymes que vous voulez, David. Le péché a été réglé une fois pour toutes. Donc, ma relation avec le Seigneur, elle est parfaite. J'en jouis pas toujours, mais elle est parfaite. Si votre relation se briserait entre Jésus et vous, où est-ce que vous allez, aller? Qu'est-ce qui va arriver? Vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres, vous n'êtes pas croyant. Le chrétien vit dans les ténèbres. Lui est un enfant de lumière maintenant. Parce qu'il est attaché à la lumière. Si on pouvait, je vous encourage à un moment donné de vous arrêter et de regarder quel privilège vous avez d'être uni à Jésus. D'être attaché à la personne de Jésus. Un jour, j'étais au gym, puis mon entraîneur au gym, il dit, j'arrive un matin, il me regarde, François, il me semble qu'il y a de la mauvaise énergie, là. Entre moi et toi. Ouais, il avait vu que je n'étais pas de bonne humeur, pas clair. Il y a une énergie là, qui ne fonctionne pas bien, moi et toi. Là. Il y a de l'énergie qui ne passe pas. Je ne connais pas tout ça, là, mais lui, il croit ça. Et je me suis dit, mais quelle énergie passe-t-il en Jésus et moi? Quelle énergie est-ce qui passe entre moi et Jésus? Où est-ce qu'il y en a d'énergie qui passe entre lui et moi? Eh, non, mais si on pouvait visualiser ça de façon quelconque. On est tellement privilégiés. Et l'apôtre Paul, il dit, ne vous divisez pas. Commencez pas à prendre différents noms de groupes. Il dit, restez unis parce que vous avez tous été baptisés en Jésus, toute la gang. En Jésus. Toute la gang. Pas un plus que l'autre. Deuxièmement, à partir du verset 17, on va voir qu'il dit, « Rappelez-vous que la puissance est dans l'Évangile. » Il dit, « La puissance n'est pas dans l'évangéliste, mais dans l'Évangile. » Et que nous, on pense pas toujours ça. Hein? On pense que l'Évangile va être plus puissant dans les mains de certains. Ça ne vaudra pas être, « Ben non. » L'Évangile a sa puissance en elle-même. L'Évangile a sa puissance en elle-même. Peu importe qui va la dire. Même elle est tellement puissante que des fois, tu peux juste donner un bout de papier et quelqu'un va se convertir. Tu ne parles même pas. Quelqu'un pourra juste lire un verset et l'Évangile va avoir sa puissance en elle et elle va sauver la personne sans que personne ne le lise. Sans personne donner une explication. Le Saint-Esprit peut prendre la vérité et l'appliquer dans la vie de la personne. Ce n'est pas l'évangéliste qui a de la puissance, c'est l'Évangile. Donc, ça veut dire que chacun de vous, quand vous emmenez l'Évangile et que vous le dites à quelqu'un, vous avez autant de puissance que tous les autres. Si vous pensez que vous n'avez pas autant, vous êtes en train de vous attribuer de la puissance. Et Paul dit non. Donne l'Évangile. Vous avez probablement entendu dire, mon frère est parti chez nous. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mon frère est parti chez nous en disant à sa blonde, parce que t'as pas marié à ce moment-là, à sa blonde, il dit, François, va bien savoir, il est rebelle. La semaine d'ensuite, j'étais à l'église, je suis devenu son pasteur. Lui, il pensait que ça n'allait pas marcher partout, ça ne marchait pas, puis je n'avais pas écouté, j'étais rebelle. Le Seigneur a utilisé le verset qu'il m'avait donné avant de partir, puis il nous a emmené l'Évangile, finalement. Il s'est attribué de la puissance, il n'avait pas confiance dans la puissance de l'Évangile. L'Évangile a une puissance en soi. Disons, à partir du verset 17. Remarquez bien, là, il va comparer la Dieu et l'être humain. Il va comparer la folie et la sagesse. On parle de deux choses. Et si vous avez de la misère à comprendre, vous n'êtes pas dans le côté de la sagesse, vous êtes du côté de la folie, avec moi. On est tous dans le même bord. Et la sagesse, ça va du côté de Dieu, hein, du côté de l'Évangile. Là, ils vont comparer des fous et un fin. Des fous et un intelligent. Et les fous, c'est nous. Ce n'est pas pour baptiser que Christ, verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Qu'est-ce qui est une puissance de Dieu? La prédication de la croix, hein, l'Évangile. Aussi, il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant, celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant le Seigneur. L'apôtre Paul, ici, il s'adresse ici. Comment pouvez-vous comparer, vous, les hommes entre eux autres, puis vous attacher à un homme plus qu'à un autre? Là, il va démontrer que la puissance est dans l'Évangile et non pas dans les personnes. Elle n'est pas dans John MacArthur ou François Nollet ou Réal Goulet ou n'importe qui d'autre. Elle n'est pas dans la personne, la puissance. Et dans la vérité de l'Évangile. L'homme dans sa sagesse, il dit au verset 21, l'homme dans toute sa sagesse, dans toute sa capacité intellectuelle, dans toutes ses neurones, n'a pas connu Dieu. Il n'a pas connu Dieu. L'homme, dans toutes ses capacités humaines, n'a jamais été capable d'entrer en relation avec Dieu. Si l'homme, n'importe quel homme, n'a pas pu connaître Dieu, pas capable, pensez-vous qu'il est capable de le faire connaître un autre? C'est ça le raisonnement ici. Comment vous attacher à quelqu'un qui n'était lui-même pas capable d'aller vers Dieu? Tu n'es pas capable d'aller vers Dieu. Nul homme dans sa sagesse, nul homme dans son intelligence n'a pu découvrir Dieu, n'a pu connaître Dieu. Il n'y a pas d'homme avec autant d'intelligence qu'il peut avoir, commencer à tout vouloir expliquer les choses de la terre. Il n'y arrivera pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'un serait plus que l'autre? Dans sa sagesse, l'homme veut des miracles, les Juifs veulent des miracles et les Grecs veulent de la sagesse. Le mot sagesse, ce n'est pas un homme sage pour prendre une bonne décision, c'est la connaissance. La connaissance. Les Grecs, c'était des malades de la connaissance. Ça passe un peu aux Québécois. Notre société, on met beaucoup d'importance sur la connaissance. Si je peux mettre plus de papier sur mon mur, je suis vraiment quelqu'un de spécial. C'est pas mal, ça. Tous ces papiers-là que tu as sur ton mur, c'est pas mal. Mais ils ne feront jamais découvrir Dieu. Puis, ça ne te donnera jamais la capacité d'emmener quelqu'un d'autre à connaître du monde. Parce que entre moi et vous, si vous gardez les gens que Dieu a utilisés pour en conduire d'autres au Seigneur, ce n'est pas toujours le plus brillant, humainement parlant. Pas toujours le plus fou non plus, là. Mais Dieu ne fait pas de différence. Tu peux avoir trois doctorats et tu peux avoir même pas fait une première année et Dieu va t'utiliser quand même pour conduire quelqu'un au Seigneur. Fait qu'on voit là que ce n'est pas l'importance de l'évangéliste, mais bien plus l'Évangile qui est proclamé qui fait la différence. Annonce l'Évangile de la façon que tu voudras, comme tu pourras, et laisse voir Dieu utiliser ça et sauver des gens. Fallait pas comme un autre, t'es pas capable, t'es pas l'autre. Fallait comme toi tu es. Et donne l'Évangile, de la façon que tu pourras. Et laisse voir Dieu comment il va pouvoir sauver quelqu'un avec ça. Fais pas comme mon frère, fais pas comme moi. Combien de fois je suis parti, je m'en allais chez nous. Vous avez jamais fait ça, vous autres, ben moi je l'ai fait souvent. Je m'en vais chez nous après avoir évangélisé une partie de la soirée. Là, tu te couches dans ton lit et tu dis, oh, j'aurais dû dire ça, oh, j'aurais pas dû dire ça, oh, j'aurais dû faire ça comme ça, oh, j'aurais pas dû, oh, j'ai oublié de dire ce verset-là. Et là, on se morfond. Parce qu'on pense que si on aurait dit mieux, si on aurait fait mieux, la personne serait peut-être convertie. Là, on se donne de l'importance à nous quand c'est pas vrai. Il y a des fois, je me sens que j'avais bien réussi. Les gens se sont complètement convertis. À d'autres, j'avais manqué mon coup, à ma pensée, à moi. Les gens se sont convertis. On s'attribue des fois de la gloire. On ne devrait pas se donner. L'homme a inventé toutes sortes de moyens et de religions pour se rejoindre Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Il n'est pas capable. L'homme, dans toute sa sagesse, n'a jamais connu Dieu. Mais c'est par la prédication de la croix, qui est une folie pour les Juifs. C'est tellement imbécile pour les Juifs de penser que Dieu va sauver le monde en faisant mourir quelqu'un sur un bout de bois. Hein? Parler de ça aux gens, là, l'Évangile, c'est une niaiserie. Ça n'a pas de sens pour eux autres. Non, ça ne se peut pas, c'est bien trop facile. Mais non, juste croire. Quelqu'un m'a déjà dit, oui, non, si Dieu est capable de sauver tout le monde entier juste par une personne qui meurt. Et vous, c'est une folie pour eux autres. Ce n'est pas quelque chose de très élaboré, très intelligent. C'est juste de dire, quelqu'un est mort pour toi à ta place. Il dit, c'est la folie de la prédication. Mais Dieu a décidé de sauver le monde par la prédication de la croix. Il est en train de dire ici à Apollos, à Céphas, à Paul, à tout le monde, à tous les chrétiens, il dit, le message a de la puissance. Et le message, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas inventé. Il m'a venu une pensée à l'esprit. Je regardais la télévision à un moment donné, puis il dit, le gars, il parle à la fille, puis il donne des grands mots romantiques. Là, puis, il parle des belles phrases, là, puis de la belle poésie. La fille, elle dit, « C'est-tu de toi? » Non. Ça enlevait toute la patente. Non, c'est quelqu'un d'autre. Le message qu'on donne, on ne l'a pas inventé. On est juste des porteurs du message. On n'a même pas été assez intelligent pour faire le message. Le message nous a été donné, on doit juste le donner aux autres. Donc il dit, donne le message, et il dit, fie-toi sur la capacité du message, ou la vérité, ou la puissance de l'Évangile, et Dieu avec son Saint-Esprit, lui, il va faire le travail. Donc toi, tu n'as pas à être glorifié, tu as juste donné un message qu'on t'avait donné. Tu sais, quand le facteur vous donne une lettre, vous n'êtes pas en train de dire « Ah, oh, merci facteur, merci, tu m'as écrit une belle lettre. » Ben non, il est juste le porteur de la lettre. Et nous, on est juste des porteurs de lettres. Des porteurs. Je ne peux pas dire pourquoi vous commencez à glorifier un plus que l'autre. Hein? Vous êtes rien en soi. Vous êtes juste des porteurs de lettres. Vous prêchez l'évangile que vous a donné, que vous avez reçu. Vous l'avez donné à d'autres. Donc, il dit, arrêtez-moi ça tout de suite. Comparez pas les gens. Ça ne donne absolument rien. Ça fait juste de la division plus que d'autres choses. Donc, les deux premières choses qu'il dit, vous avez tous été baptisés en Jésus-Christ et vous n'avez pas de puissance en vous. Et vous avez juste... L'évangile a une puissance en soi. Et vous avez tous prêché l'évangile. Moi, Paul, je vous ai prêché l'évangile. Apollos a prêché l'évangile. Céphas a prêché l'évangile. Jésus a prêché l'évangile. Donc, tous ces gens-là ont juste prêché l'évangile. Donnez la gloire. On a vu à la fin. Afin que toute la gloire revienne au Seigneur. On va voir ça la semaine prochaine en continuant. Notre bon Père du ciel, ce matin, tu nous parles de cette unité que tu as créée entre nous et toi, premièrement. Et le fait qu'on est tous unis les uns aux autres à toi, nous sommes automatiquement tous unis les uns aux autres, mais à travers Jésus-Christ. On n'est pas reliés directement l'un à l'autre, mais on est tous reliés aux uns aux autres, mais par Jésus-Christ. Apprends-nous, Seigneur, à méditer là-dessus, à penser, afin de pouvoir tranquillement ne pas créer des divisions, mais plutôt de jouir de l'unité que tu as créée en nous. De jouir les uns des autres, au lieu de médire les uns des autres. Garde-nous. Garde-nous toujours, Seigneur, devant les yeux, ces belles vérités. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Levons-nous, on termine avec un cantique, si vous voulez bien.